Chaque jour j'évite la prison quand je pense à certaines têtes. J'ai un fer, j'ai l'armoire, y'a que la raison qui m'arrête. Je sais que le G va pas broncher si je lui dis viens on va jeter ça en mer. T'es Chico et ton sacron, les deux dans le sac qui font la paire. On s'est coulé le béton aussi, avec la trois têtes. Ça t'enterre en vie, pendant qu'on célèbre au-dessus de toi avec un vieux whisky. Ton châtiment petite putain, c'est à toi de le choisir. Moi le mien c'est un 35 heures et des mômes, une baraque prête choisie. Y'avait un junkie dans la secte, schlag et bandef. L'industrie l'a eu, c'est plus qu'une chaussette foulonne de sperme. Les deux gérants de son petit label le font plus que tapiner. Le trou de balance en ce bolos demande encore de se faire fourrer. Y'a un petit gros et un grand maigre que j'aimerais bien gifler. Mais je vais laisser la vie leur faire comprendre que c'est des merdes. Pour tout le mal qu'ils ont fait, je sais que le bon Dieu s'en chargera. Et au pire pour ces caves, j'ai 2000 balles de 100 chargeurs. Ces vieux gogols sont restés phasés sur mon trou du cul. N'ont pas compris que je faisais le tour du bat pour mieux baisser leur fut. Leur petite bite exposée là devant au grand jour. Peu importe ce que ça engrange, faites un saut de l'ange du haut de la tour. Capitalisez sur votre image. Voilà ce qu'il a dit ce vieux père. Le cochon avait une fin de loup, aujourd'hui il paye les conséquences du faucon. C'est le jeu, vieux grincheux. Lâche steak, t'écoutes ça en ce moment même et que tes dents sont en train de grincer. Secrètement, je prie pour que ces connards passent la serpillière. Eux et leurs artistes de merde, tout usés comme des jouets. Ils ont volé le talent de notre frère pour le diluer dans du caca. Le résultat, une fausse sceptique avec des mecs qui rappent pas droit. Et je blâme pas les signataires, c'est des mecs qui se sont fait groomer. Des victimes de quelque chose, des réponses qu'ils n'ont pas trouvées. 18 ou 19 ans, ils ont scellé le môme dans une tombe. J'imagine pas le contrat terroriste, ça devait ressembler à une bombe. Les petits frères, les petites sœurs qui m'écoutent, n'allez pas signer dans ces putains de majors de merde. Où c'est l'abbé qui se la joue indé, qui se la joue cool bobo. On fume la bugueuse sur le transat, on est plus intelligent que non. Non, non, non, ils vont vous payer des trucs, ils vont vous approcher, tu vas te sentir redevable, tu leur dois rien. Ton talent, il t'appartient, d'accord? T'as tout niqué jusqu'ici avec l'électricité, pourquoi tu vas te vendre là-bas? Faut comprendre que ces mecs-là, à part passer des coups de fil et remplir des papiers, ils servent à rien. Ils vont gratter ton argent et ton énergie, sauve-toi pendant qu'il est encore temps. Donc maintenant, tu te réveilles, tu te mets deux tartes dans la gueule et t'arrêtes d'aller vendre ton